Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah faslun, wa kama annahu subhanahu allaqa al-imamata fi al-din bis-sabr wal-yaqin, fal-ayatu mutadhamminatun li-aslayn akharayn. Dans le dars précédent, on a lu le fasl. Nafi' qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il a cité fi as-sabr wal-yaqin. Kadhalik, dans ce verset, il y a deux autres points importants qu'il va citer huna rahmatullah alayhi. Qala ahaduhuma ad-da'watu ila Allah wa hidayati khalq wa hidayatu khalqi. Ad-da'watu ila Allah wa hidayatu khalqi. À ce point, il est cité dans le verset. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Vous avez remarqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié هَؤُلَا الْأَئِمَّةَ أَنَّهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَيْ يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. C'est une cause de guider. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de هؤلاء أنهم, c'est une cause. فَلِهَذَا الْعُلَمَا يَقُولُونَ أَنَّ الْهِدَايَةَ تَنْقَسِمْ إِلَى قِسْمَيْنِ. La guidée, elle se divise en deux. Hidayatu, ilm wa bayan. Et c'est celle-là. C'est al-hidaya que les prophètes et messagers, ils ont propagé. Et ils ont été la cause pour guider certains. Et kadhalik al-ulama, c'est les héritiers des prophètes. Et on a une preuve dans ce verset. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. هَذِهِ الْهِدَايَة, c'est hidayat ilm wa bayan. Et tu montres aux autres, tu leur montres la guidée. S'ils acceptent, ils sont guidés. Enfin, la cause, c'est celui qui a montré. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذا النوع الأول. النوع الثاني, c'est هداية الإرشاد والتوفيق. هذه elle est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. Tu guides pas ce que tu aimes. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guide les cœurs. Et le fait d'accepter la guidée. Ça, c'est min khasa'is Allah azza wa jalla. Qala ibn al-Qayyim huna ahaduhuma ad-da'watu ila Allah wa hidayatu khalqihi. Fa fi hadhihi al-ayah ya un autre fondement qui est important, c'est ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thani, le deuxième, hidayatuhum bi amrihi aw bi amrin aw bima amara bihi, na'am. Hidayatuhum bima amara bihi ala lisan rasulih sallallahu alayhi wa sallam la bi muqtada uqulihim wa ara'ihim wa siyasatihim wa adwaqihim wa taqlid aslafihim bighayri burhanin min Allah li'annahu qala yahduna bi amrina. Deuxième point, et il est très important, anna hadhihi ad-da'wa, ces efforts que tu vas faire fi ad-da'wa pour guider les autres, c'est bima amara Allah bih. On appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'appelle pas à notre nafs. On n'appelle pas à nos pensées, à nos idées. Là, on appelle au Coran et à la Sunna. Fa li hadha qala Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, hidayatuhum bima amara Allah bihi ala lisan rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Quand on veut montrer à quelqu'un que cette chose elle est halal, on doit appuyer avec un texte. قال الله عز وجل, on cite un dalil. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et on cite un dalil. كذلك, si on dit cette chose elle est interdite, un dalil من الكتاب أو من السنة أو un إجماع. أما parler avec الهوى, parler avec ses idées, avec son عقل, كما قال الإمام ابن القيم هنا, ça c'est un باب de ضلال. في الحقيقة الإنسان qui est pas sincère في هذا الباب, فربما il va appeler au Coran et à la Sunna avec des preuves. لكن في الحقيقة il appelle à son nafs. Pourquoi il fait da'wa? Pour être connu, pour avoir des suiveurs, pour avoir une place, عيادًا بالله, pour que on le complimente, on le cite. فهذا même s'il appelle بالكتاب وبالسنة, il cite des adillah, في الحقيقة il appelle à son nafs. والأعمال والنيات يوم القيامة يغندرا دي كونت سي في با التوبة. Tu as une autre catégorie, ils sont sincères, مخلصون ويريدون الخير, ils veulent الخير, لكن à cause de leur ignorance ils font دعوة, لكن Leur da'wah, elle n'est pas fondée sur le kitab ou le sunnah. C'est fondé sur des rêves, c'est fondé sur des rumeurs, c'est fondé sur des ondits, c'est fondé sur le taqlid. Ils font kadhalik du mal. Al-imam ou fiddin, celui qui veut devenir un imam fiddin, et n'oubliez pas, tout ça c'est des conseils d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi pour un de ses frères. Et il lui montre, si tu veux devenir un imam fiddin et être à la khayr, rappelle-toi ce verset, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ils font da'wah بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, pas avec le hawa. قال ابن القيم لا بمقتضى عقولهم. فلهذا تتخو بعض الناس مثلا يديس cette chose, elle est, c'est interdit في دين الله. طيب, c'est interdit, pourquoi? هات الدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Celui qui est صادق, enfin, s'il prétend quelque chose, il doit citer la preuve. Wa illa mafhum al-aya, c'est un kadhib. Et mentir au nom du din, au nom du din d'Allah Azza wa Jal, c'est très très grave. Alors, c'est fondé sur l'aql, c'est haram, tu lui demandes pourquoi? C'est fondé sur la raison. Il a fait des déductions de telles choses, c'est fondé sur aucun dalil. Hada al-qawl il est batil. Et hada al-insan, il n'est pas apte à faire le da'wah. S'il veut le khayr, il doit apprendre à oulen. قَالَ وَآرَائِهِمْ, des avis. فَقَتْ, il n'y a pas de adillah, c'est son avis. Ça ressemble au premier, c'est fondé sur l'aql. وَسِيَاسَاتِهِمْ, كَذَلِكْ, c'est fondé sur sa siyasa à lui. Et il est masalih qui voit lui, il est mafasid qui voit lui, c'est pas fondé sur l'aql. قَالَ وَأَذْوَاقِهِمْ, أَذْوَاق, c'est le pluriel de ذَوْق. ذَوْق, c'est le goût. C'est par rapport à ses goûts à lui. Une chose qu'il aime pas, il va dire c'est haram. Une chose qu'il aime bien, il va tout faire pour que ça soit halal. Et il va appeler et dire que c'est halal. Hada sabab al-dhalal wal inhiraf. Qala wa taqlid aslafihim bighayri burhan min Allah. Et ça c'est parmi les plus grandes causes d'égarement, at-taqlid. Ad-da'wa, elle est pas fondée sur le kitab ou sunna, elle est fondée sur un tel il a dit, ou les parents ils ont fait, ou dans mon pays ils font. Tout ça, c'est pas une hujja. Kadhalik, sur la parole d'un savant, alors que Dalil montre que cette fatwa ou cet avis, c'est une erreur, on n'a pas le droit d'appeler à hada. Si c'est un savant de la sunna, alhamdulillah, il est min al-mujtahidin, amma nahnu, on n'a pas le droit de prendre le khata comme rempart pour repousser la vérité ou propager nos shahawat, ayyadun billah. À hada, ce passage, il te montre un parmi les plus grandes causes d'égarement, c'est de suivre l'aql et délaisser les textes, et suivre aveuglément les autres et délaisser les textes. Fais des efforts, akhil karim, pour connaître l'haq avec son dalil. L'anna l'haq il est qadim. L'haq il est depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bel il est depuis l'époque du prophète Moussa, wa qablahu le prophète Ibrahim, wa qablahu Nuh. L'haq il est qadim. C'est pour ça que min asma illahi azza wa jal al-haq. Fais tout pour connaître ce haq à sa source. Amma les hommes, faroupama ils changent. Aujourd'hui tu suis fulan, il est à la haq, et demain il y a le harif. Nous, même notre suivi des savants, c'est par rapport au haq qu'ils ont. Pas par rapport à leur zawad, comme ils disent en arabe. Et leur corps, ou parce que c'est fulan. Abadan. Fa akthar al-ulama, on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. Lakin, pourquoi on les aime et on les suit? Les annahum, ils ont le haq. Si wahed, il contredit ce haq ou il délaisse ce haq, personne ne t'autorise ou ne t'oblige ou te recommande de le suivre. Abadan. Al-hadar min hada adda, qui est très très propagé l'an, at-taqlid. Que ce soit les aba, que ce soit les ashuyur, que ce soit les al-adat, on fait attention. Si tu sais pas, demande. Si tu as la qudra, fais des recherches. Si tu veux le khair, atlub al-ilm. Et inshallah, avec une bonne niya, ça t'écartera du taqlid. Et kadhalik, en revenant à ahl al-ilm, ne pas comprendre, et on répète souvent, on met en garde contre le taqlid, ça veut dire qu'on revient pas à ahl al-ilm. Abadan, ça c'est un autre égarement. Là, on s'écarte du taqlid en revenant à ahl al-ilm. Lakin bi insaf. On est objectif. Pas de ta'assoub, on ne prend pas parti aveuglément, yadam billah, là. Le but de tout le monde, ça doit être al-haq, et de suivre al-haq. Qala, li'annahu qala yahduna bi amrina. تأملوا cette partie de ce verset. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Ça, ça montre أن الدعوة بأمر الله عز وجل أي بالوحي بالقرآن وبالسنة pas بالهوى. Ce verset ressemble à قول الله عز وجل وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. تأمل ce verset. Le premier verset يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا c'est sur الدعوة. Le verset qu'on vient de citer من سورة الشورى وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ c'est في الاستقامة عموما que ce soit الدعوة ou العبادة. Vous avez remarqué que dans les deux versets il y a le mot أمر. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ pas comme tu veux toi. استقيم ça veut dire suis le droit chemin, l'istiqam. كَمَا أُمِرْتَ أي comme Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a montré. Pas avec le hawa. كم من الناس الآن من أهل الضلال والبدع ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala لكن avec leur hawa, avec leur nafs. فتأمل حال الصوفية الضلال. Pour eux, danser au masjid et yadam billah avec des femmes ila akhire fi le masjid, pour eux c'est min anfa wa a'zam al ibadat. Musique, ikhtilat, tout ce haram, pour eux c'est min al ibadat. Limada? Li'annahum, ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala bi ghayri ma amr. Rafida, ils insultent la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiyallahu anha. الصديقة بنت الصديق il insulte et il l'accuse pour eux c'est min a'zam al-ibadat بل celui qui l'insulte pas et qui l'accuse pas pour eux ربما c'est pas un mu'min. لماذا؟ لأنهم ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une autre tariqa que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les sectes égarées في الحقيقة on parle des s'ils se prétendent musulmans ou c'est des musulmans في الحقيقة ils se sont égarés dans ce point. Ils ont délaissé Amrullah Azza wa Jal et Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, ce din, c'est pas nos goûts ou ton avis ou ta raison. Abadan. Ce din, c'est des textes. Qala Allah, qala Rasul. Fali hadha al-kuffar. Ils combattent kathiran ce manhaj. Manhaj al-salaf. Limadha li'anna ce manhaj, c'est un manhaj de dalil, de burhan. Celui qui prétend une chose, il doit citer Ad-Dalil. Il n'y a pas de place pour la majorité, il n'y a pas de place pour les avis personnels. Abadan. C'est des textes. Falihada, ils font tout pour combattre ce point. C'est pour ça qu'ils accusent As-Salafiyoun d'être des radicalistes, des intégristes, de prendre à la lettre. Limada li annahum, ils savent très bien que si Al-Umma, toute la Umma, on revient au texte, ça sera une Umma Qawiyya et ils seront en danger. Enfin, ils ont mis un obstacle entre le musulman et les textes, avec des choubouhats. حتى البعض, عياذا بالله, الآن, ils appellent clairement à modifier les textes. لماذا? لأنهم savent que هذا القرآن, il a une منزلة عند المؤمن. Chaque mu'min, il aime le Qur'an. Et si ce mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala, le wuffaq à comprendre et à appliquer, c'est un danger pour al-kufr ou al-bida' ou jami' al-mubtilin. لهذا, ils font tout pour mettre un obstacle entre le mu'min et les textes. C'est une ni'ma azima. قال عز وجل واستقم كما أمر له. Pas comme ils veulent الكفراء ou comme ils veulent أهل البدع. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala كما أمر. Et هذا في الحقيقة c'est valable en tout temps, en tout lieu. Contrairement à ce qu'ils essayent de faire croire là. أن il faut changer, أن c'est plus adapté. Pourquoi? لأن ça contredit leurs شهوات et leurs شبهات. فحذر أخي الكريم. Accroche-toi à cette ni'ma, l'istiqama, al-sunnah. Et ne fais pas attention à Ahl al-Bida' ou al-Kufr qui veulent t'écarter de cette ni'ma. Là, eux, même, ils n'ont pas réussi. Iyadam billah, ma wuffiqo, ils n'ont pas été guidés à cause de leur kufr et de leur ilhad et leur i'rad. Ils n'ont pas réussi à suivre ce chemin. Enfin, comment ils vont montrer aux autres? Anahum, ils donnent des leçons d'aïman. Anna, c'est pas comme ça, Anahou, il faut changer. Là, le musulman, il n'a pas besoin de leur avis aslan. لكن للأسف تتروا بعض ضعفاء الإيمان والنفوس يتأثرون بهؤلاء. قال فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية récapitulatif, ce verset 1, il englobe quatre fondements. Ibn al-Qayyim les a cités, on en a cité deux dans le dars précédent et deux dans ce dars. On les récapitule. Qala azza wa jal wa ja'alna minhum a'immatan. Donc, le sujet 1, c'est comment devenir un imam fiddi. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa ja'alna minhum a'imma. Et on a fait deux des imams. ثم قال عز وجل يهدون بأمرنا هذا يعني fondement عظيم بل يونا دو يهدون يفون الدعوة وكذلك بأمرنا أي يفون الدعوة لكن بالكتاب وبالسنة أي بالوحي الله إلى غيبلي القرآن إلى غيبلي السنة فأنا أبلجي دو revenir à ces deux points. Donc الدعوة est revenir au Coran et à la Sunna. Les deux autres, قال لما صبروا, la patience, وكانوا بآياتنا يوقنون, اليقين, la certitude. Donc ce verset, tu as quatre fondements. Quatre fondements si tu veux réussir, Akhi al-Karim, si tu veux ne pas faire partie de ceux qui s'égarent, tu reviens à هذا et tu fais des efforts في هذا. Et va les détailler قليلا. فنقرأ كلامه وبالله التوفيق قال فهذه أربعة أصول تضمنتها هذه الآية أحدها الصبر premier fondement الصبر la patience وهو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره فالصبر c'est sur trois choses الصبر قال هو حبس النفس. C'est ce qu'on a cité dans le dars précédent. Al-habs, c'est un des mots pour définir la prison. Al-sijn, ils disent al-sijn, ils disent al-habs. فهنا حبس, c'est le fait de tu retiens, tu bloques, tu limites ton nafs عن محارم الله. أما celui qui se laisse aller, عياذا بالله, il a aucun principe, il va devenir comme un animal. Annahu suit ses shahawat. L'essentiel c'est qu'il mange, qu'il boit, il a akhir. Amma al-mu'min la hadha an-nafs qui appelle au mal, yu'addibuha, il l'éduque bi al-ilm et bi sabr. Qala huwa habsu an-nafs 'an maharim la. Allah il a interdit certaines choses, si ton nafs elle veut pencher vers ces choses, tu fais attention. Tu la retiens, tu l'empêches et tu fais des efforts. Et tasta'in billahi azza wa jal. Qala wa habsuha ala fara'idhihi. Kadhalik. Ce nefs plutôt, si il n'est pas éduqué, il ne veut pas faire le salat, le siyam, sortir le zakat, tout ça, le nefs. La turidu. Lakin anta, tu fais des efforts. Le fara'id, ça passe avant notre avis, avant notre envie. Pourquoi les anna c'est min fara'id Allah azza wa jal. Allah nous a créé et nous a ordonné de faire salat, de l'adorer sans associer, de sortir le zakat, de faire le hajj ila akhir. Qala wa habsuha 'an at-tasakhut wa ash-shikaya li aqdari. Hada taqaddam. Allah subhanahu wa ta'ala li hikmatihi qaddara al-khayr wa ash-shar. Fahdhar min at-tasakhut wa ash-shikaya. De te plaindre, de te lamenter. Pourquoi? Léanna, celui qui a qaddar cette chose, c'est un mal pour toi, ou en apparence, fa'alam qui est un khayr, léanna Allah subhanahu wa ta'ala af'aluhu kulluha khayr, wa fiha hikma, et kadhalik, esbir, c'est pour t'éprouver, faqat. Et kadhalik, le fait de se lamenter, avoir des regrets, ne pas accepter, ça change rien. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala s'il éprouve wahid avec la perte d'un enfant, c'est min qadar illahi azza wa jal. Fal insan yasbir, ça ne veut pas dire que tu n'es pas triste ila akhir illah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a perdu son fils Ibrahim alayhi salam, baka, et ils l'ont vu pleurer alayhi salatu salam. Ça contredit en rien al-rida bil qadar wa sabr ila akhir illah. On est des êtres humains. Lakin ihdhar min at-tasakhut, se lamenter, dire des paroles graves. Ils disent du kufr wadih. Pourquoi il m'a repris mon enfant? Pourquoi kada? Bardohum, ils insultent, bardohum, ils acceptent pas, yadam billah. Fait le haqiqa, si tu réfléchis, hada, ça fait beaucoup de mal à l'imam. Si c'est du kufr, ça annule l'imam. Haqiqa, ça montre kada lik, ça va, fi, l'aql. Les anna, ça change rien. Il est mort, cet enfant. Ce parent, il est parti, il est parti. Enfin, se plaindre. Bardohum, ils crient, bardohum, yadam billah, ils arrachent leurs vêtements, ils se griffent. Ça change rien, ça montre une faiblesse dans l'iman et dans l'aql. Amma, al-mu'min yasbir. Falihada, qala azza wa jal, wa bashir al-sabirin. Wa bashir al-sabirin, ay annonce la bonne nouvelle aux sabirin. Alladhina, idha asabatuhum musibatun, qalu, inna lillah, wa inna ilayhi raji'u. Hada hal al-mu'min. Anna, s'il est touché par une musiba, la perte de bien ou d'enfant, ou un problème de santé ou une mauvaise nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés, ha'oula, alladhina idha asabatuhum musibatun qalu, qu'est-ce qu'ils disent? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Toi-même, tu appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il a repris, c'est à lui, azza wa jal. C'est pour ça que man yata'ammal fi hadha al-lafd, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, ça montre que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi se plaindre? Cet enfant, c'est Allah qui l'a créé, il lui appartient. Il ne t'appartient pas, ton neuf, ça ne t'appartient pas, ton corps ne t'appartient pas. Famine al-adab, c'est quand on est touché par une musiba, même si on est triste, on est des êtres humains, on dit inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et celui que Allah il a waffaq à avoir ce comportement, fal yabshir. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Annonce la bonne nouvelle aux patients. وَعْلَمْ أَنَّ الصَّبْرَ سَفِي الصَّدْمَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Marra, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est passé à côté d'une femme qui pleurait. Elle avait perdu un proche. Et elle n'a pas patienté. فالنبي صلى الله عليه وسلم, il l'a conseillé. وهي, elle ne savait pas que c'était le prophète صلى الله عليه وسلم. Elle ne l'avait jamais vu. Elle a dit une kalima. Elle a dit quelque chose. Aïe, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas la souffrance qu'elle a et la musiba qu'elle a eue, il a akhiré. Bimana al-kalam. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti. Thumma, quand ils ont informé cette femme, celui qui l'a conseillé, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a regretté, elle est partie le voir, il a akhiré. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, innama sabru fi sadmati l'oula. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a montré, un sabr, c'est au début. Et quand tu as eu cette annonce, tu as été touché par cette musiba, tu dois patienter. Elle m'a patienté un jour après, une semaine après, c'est pas de la patience. Al-Hada al-Kuffar, mathalan, ils patientent pas quand ils perdent un enfant. Thumma, au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an, après, là, chaque année, ils oublient et ils refont leur vie. Al-Hada, c'est pas du sabr, ça c'est tout le monde. Là, أما الصبر النافع الصبر كيف partie de صفات المؤمنين c'est في الصدمة الأولى. Quand tu apprends que cet enfant il est décédé, إنا لله وإنا إليه راجعون. Quand tu apprends que cette musiba elle a touché tes biens ou ton neuf ou un proche, إنا لله وإنا إليه راجعون. واضبط لسانك, fais attention à ta langue في هذا الحال. Et bien sûr, on répète tout ça, ça ne contredit pas la tristesse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été triste quand il a été éprouvé par la perte de son enfant. Alayhim as-salatu wassalam. Al-thani, deuxième asl, al-yaqin, la certitude. Qal wa huwa al-iman, al-jazim, al-thabitu alladhi la rayba fihi, wa la taraddud, wa la shak. C'est ça l'yaqin. C'est le contraire du shak. Wa hadha, on l'a détaillé, wa lillahi l'ham, dans l'étude des conditions de la ilaha illallah fi al-wajibat al-mutahattimat. Donc l'yaqin, ça annule le shak, et shak ça annule l'yaqin. Ils ne peuvent pas se rassembler les deux. Enfin, c'est l'iman al-jazim. Il a la conviction, il est ferme dans sa foi, il n'a aucun doute. Ça c'est le deuxième point qu'on retire du verset. Wala shubha bi khamsati usul. ذكرها سبحانه في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته ورسله il y a un saqt في الآية. Il manque un mot dans le verset. La Allah c'est une erreur fille. La chaque c'est une erreur d'imprimerie. ومن كفر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. سورة النساء. Rajoutez هذا. Il manque le mot وكتبه dans cette nuskha. المحقق لا نبدا عن هذا. فربما c'est une erreur. Voilà, chaque Anna, c'est une erreur d'imprimerie. Anna, quand ils ont imprimé le livre, le verset, la mal est imprimé et il manque un mot. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا وَفِي قَوْلِهِ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ والإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان بالكتب والرسل كذلك الإيمان بالقدر dans certains versets il n'a pas été cité ولا شك أنه داخل في الإيمان بالله لأن celui qui croit الله سبحانه وتعالى forcément il va croire au قدر لأن القدر c'est fondé sur quatre choses الإيمان بالعلم أي علم الله سبحانه وتعالى أن الله il sait tout الإيمان أن الله سبحانه وتعالى il a tout écrit الإيمان أن الله سبحانه وتعالى لا تكخي الإيمان بمشيئة الله عز وجل أن ما من شيء كموجود الله إلا فول فالسلوي كي كخوا الله سبحانه وتعالى وسينو وسيز أتخيبه فلا شك أنه إكخوغا وقدر وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في قوله نعم حديث عمر رضي الله عنه في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نعم حديث تقدم معنا في شرح الأربعين حديث عمر إلى في الصحيحين كذلك dans une riwaya والإيمان بالقدر خيره وشره et s'il est pas cité فكما تقدم il rentre في الإيمان بالله قال فهذه الأصول الخمس من لم يؤمن بها فليس بمؤمن celui qui ne croit pas à ces cinq fondements bien sûr on rajoute avec le qadr arkan ul iman al sitt fa c'est pas un mu'min ayadan billah celui qui croit pas au malaika c'est pas un mu'min celui qui croit pas au rasul أو أن رسول سبا مؤمن celui qui croit pas au kutub أو أن كتاب المنزل من عند الله سبا مؤمن celui qui croit pas au qadr سبا مؤمن فهذه الأصول أصول الإيمان أركان الإيمان قال واليقين أن يقوم الإيمان بها حتى تصير كأنها معاينة للقلب مشاهدة له نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر ولهذا قال من قال من السلف اليقين الإيمان كله إيه نعم فاليقين سين درجة عالية أي يكمبار ابن القيم رحمة الله عليه اليقين c'est comme أي cette croyance cette conviction que ce مؤمن là il est à la يقين c'est comme s'il voyait la chose قال نسبتها إلى البصيرة كنسبة الشمس والقمر إلى البصر. البصر c'est avec les yeux. البصيرة c'est avec le cœur. فالصن إيمان qui est dans le cœur c'est comme s'il voyait avec ses yeux. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. أي vous verrez الله سبحانه وتعالى comme vous voyez La lune en pleine nuit. La ressemblance, comme a taqaddam ma'ana fi durus al-aqida, c'est une ressemblance ru'ya bil ru'ya. La mar'i, bien sûr. Allah, il ressemble par ses créatures. Lakin, la ressemblance, on a, c'est la vision. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré, pour être sûr, avoir aucun doute, vous verrez Allah comme vous voyez la lune. En pleine nuit. Le soleil en plein jour. T'as aucun doute quand tu vois le soleil en plein jour. Ou la lune en pleine nuit. T'as aucun doute. Fait n'est aucun doute كذلك, que tu verras Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Comme tu vois la lune. Subhana. Wa laysa kamithlihi shay'un. Wa huwa as-sami'u al-basir. Fait l'yaqin, c'est une daraja rafi'a aliya. Il n'y a aucun doute. C'est la certitude. Qala al-thalith. Troisième fondement. Hidayatul khalq. ودعوتهم إلى الله ورسوله. C'est ce qu'on a vu au début du dars. هداية الخلق ودعوتهم إلى الله ورسوله. أي فاغ الدعوة. فأئمة الدين يفون الدعوة. العلماء يفون الدعوة. قبلهم bien sûr الرسل والأنبياء يزون في الدعوة. والمؤمن الصالح يفي الدعوة كذلك. Chacun selon sa capacité. لكن الحذر كما تقدم de فاغ الدعوة. Pas comme Allah subhanahu wa ta'ala amr. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. On fait attention à l'hawa. فَيَدْعُونَ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ. إِلَى اللَّهُ أي إِلَى تَوْحِيدِهِ. الإخلاص. الدعوة إلى الرسول أي إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça les deux points fondamentaux dans da'wa. Appeler Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, التوحيد. Et appeler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ay ad-da'wa ila mutaba'atihi sallallahu alayhi wa sallam, ittiba' as-sunnah. C'est ces deux piliers dans da'wa. Appeler à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Wa man ahsanu qawlan. Ay la ahsan qawlan. Y a pas mieux que hadha as-sinf. C'est qui haoula? La ahsana minhum. Il n'y a pas mieux que mimman da'a ila Allah wa amila saliha. Ça nous montre anna da'i ila Allah azza wa jal ya'tani bil amal. Si on appelle à une chose, on doit l'appliquer. On doit être les premiers à l'appliquer. Ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Hakada qala azza wa jal. Appelez à une chose et ne pas l'appliquer. Qala قال الحسن البصري هذا حبيب الله هذا ولي الله أسلم لله وعمل بطاعته ودعا الخلق إليه فهذا النوع أفضل أنواع الإنسان وأعلاهم درجة عند الله يوم القيامة. On se pose souvent cette question. Comment faire pour faire partie de ceux que Allah il aime le plus, ceux qui auront les plus hauts degrés يوم القيامة. Tu as la réponse dans le Coran al-Karim. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الدعوة وعمل صالحا العمل وقال إنني من المسلمين. Il est fier de son dîn, il sait qu'il est dans une ni'ma et il fait des efforts في العلم والعمل وفي الدعوة. هؤلاء سأحسن الناس عند الله عز وجل. قال وهم ثنية الله سبحانه من الخاسرين. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. وهم ثنية الله أي الله سبحانه وتعالى استثناهم من الخاسرين. الاستثناء c'est le fait de retirer une chose d'une globalité, أي une exception. فالله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي tout le monde court à sa perte. جميع الإنس. ثم الله سبحانه وتعالى il a cité des exceptions. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء qui font des efforts في الدعوة إلى الله في العلم et ils propagent دين الله كما قال ابن القيم هم ثنية الله. C'est des exceptions. أي الله سبحانه وتعالى il ne les fera pas périr, ils ne s'égareront pas. Contrairement aux autres qui ont délaissé l'Iman, l'Amal, l'Da'wa et le Sabr. قَالَ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. إيمان وعمل. علم وعمل. Ça va ensemble. Ce verset nous montre l'importance de comprendre l'Adillah. أي من جوانبها كلها. On prend pas qu'une partie. أي مثلا بعض الضلال جماعة التبليغ c'est des ضلال من الفرق الهالكة. Ils ont pris certains versets في الدعوة مثلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هم يديزون في الدعوة يوم في عمل صالح أي on visite nos frères, on fait الصلاة إلى آخره. وقال إنني من المسلمين. Et on dit on est des musulmans. Ils ont pris ce verset, ils l'ont compris بجهلهم. Ils ne sont pas revenus à أهل العلم. Combien de versets démontrent, Ibn al-Qayyim va en citer certains. Combien de versets démontrent أن الدعوة بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أي على علم. Ce verset montre أن الدعوة بالعلم. لكن بعض الجهال ils ont pris une partie et ils ont délaissé le reste et ils se sont égarés. والله بعض هؤلاء المنحرفين من جماعة التبليغ ربما يستقيم ويسكونفيرتي au عصر et ربما entre le مغرب والعشاء c'est lui qui parle في المسجد et s'est converti au عصر. فكيف va dire هذا؟ Il vient de se convertir. لا يدري عن دينه الشيء. لكن il le pousse et il le lève et فلان il vient de se convertir et le كلمه اللي عنده et il dit كلام مسكين. كلام qui fait beaucoup, qui fait du mal, qui fait aucun bien. لماذا الجهل؟ Pourquoi les anoum ils ont pris l'adilla qui parle de da'wa et ils ont su les bienfaits de da'wa et l'adilla ils sont clairs et ils ont oublié le reste. احذر من هذا. Quand tu lis un verset du Coran ou un hadith ou qui est un fadl, fais attention à l'hawa. لأن التطبيق c'est كما أمر الله عز وجل. On est obligé de revenir à أهل العلم. واستقم كما أمرت. فهل الله سبحانه وتعالى أمرنا دفير الدعوة بجهل؟ أبدا. ولا تقف ما ليس لك به علم. Il nous a interdit de parler sans علم. لكن هؤلاء parlent sans علم. Pourquoi الهوى؟ On revient دائما شبهات شهوات. قال رحمه الله فأقسم سبحانه على خسران نوع الإنسان أي جميع الإنس. La catégorie de l'insan a été qualifiée بالخسران. Et l'être humain il va à sa perte. إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح. هؤلاء ils sortent de cette généralité أي ذو الخسرى. المؤمنون qui font des efforts في العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتأمل أن العمل هنا قيد بوصف. العمل c'est pas n'importe quel عمل qui sauvera l'insan. العمل الصالح كما قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح c'est العمل qui est fait que pour Allah سبحانه وتعالى. أما الرياء والسمعة والشرك c'est pas من العمل الصالح. كذلك العمل الصالح c'est le suivi du prophète محمد صلى الله عليه وسلم. أما عمل même si الإنسان il a une bonne niya لكن il ne suit pas un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son amal n'est pas accepté. An Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Et celui qui invente quelque chose fi dinillah alors qu'il n'y a aucune source, son amal est mardoud. Et dans l'autre riwaya man amila, ça englobe celui qui suit. لأن قد يقول قائل أنا j'ai pas inventé. Anna, je fais. Celui qui a inventé, c'est un autre. Il est englobé par la deuxième narration. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل الصالح c'est هذا. عمل أريد به وجه الله عز وجل وعمل bien sûr qui est en concordance avec سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما autre, c'est pas accepté. أبدا. قال وكمل غيره بوصيته له بهما فمن وفق للإيمان والعمل كذلك يبنسوا الزطر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إزاب للزطر خاص الحق. نحن نضافر attention à هذا. أحيانا في غفلة صراحة فديزفور في كذا بعضهم وفق في حفظ كذا بعضهم وفق في نسولي بعضكم خيسات مسألة أبلي با للزطر أخي الكريم. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir au Dorous. Ce n'est pas tout le monde qui a ta motivation, qui a ta compréhension. Ils ont des choubah masakid. Khassatan, tes proches. Enfin, n'oublie pas. N'oublie pas de montrer aux autres. C'est une cause pour ne pas être égaré. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq. Tu montres. Billati hiya ahsan. Avec un bon comportement, bref, celui qui accepte, alhamdulillah, celui qui n'accepte pas, au moins un tas, tu as appliqué le verset. Et tu n'es pas responsable de l'égarement des autres. Innaka la tahdi man ahbab. Tu guides pas ce que tu veux, en fait tu montres. Al-balagh, c'est tout. Qala wa li hadha qala ash-Shafi'i rahimahullah law fakkara an-nas kulluhum fi surati al-'Asr lakafathum. Sahih. Anna celui qui médite sur hadhihi as-sura fil haqiqa fiha khayr 'azim. Elle englobe usul al-khayr. Al-iman, al-ilm, al-amal, al-da'wa et al-sabr. Qala fil hashiya dhakarahu ibn Kathir fi tafsirihi bilafd law tadabbara an-nasu hadhihi as-sura lawasi'atuhum. Hadha al-lafd kal-imam ibn Kathir il a cité fi tafsirihi rahmatullah alayhi et tafsir ibn al-Qayyim il est proche. C'est la même معنى. قال ولا يكون من اتباع الرسول على الحقيقه الا من دعا الى الله على بصيره قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فقوله ادعو الى الله تفسير لسبيله التي هو عليه فالسبيل هو سبيل اتباعه الدعوه الى الله فمن لم يدعو الى الله فليس على سبيله. Non, il y en a dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré un sabil haoula, c'est ad-da'wa ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ay sabil ar-rasul, c'est quoi? C'est ad-da'wa ila Allah. A'la basira, avec cette condition bi'ilm, pas bi'jah. Qal ana wa man ittaba'ani. Ça montre que kadhalik c'est sabil ceux qui ont suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam haqiqatan, il fait des efforts fait l'ilm ou fait da'wa. L'anna atba'u Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est des du'at il Allah azza wa jal. Chacun selon sa capacité, ça ne veut pas dire que celui il ne fait pas de durus, il n'écrit pas de livres, c'est pas un da'i il Allah, c'est pas un savant, c'est pas un talib ilm, anna hu, il ne fait pas partie des suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin plus l'insan il fait des efforts via dal bab, plus il mérite hadal wasf, ay atba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il reste des points et inshallah on les verra ensemble dans le prochain dars. Naktafi bihada wa nas'alullah azza wa jal min fadlihi subhanak lahum hamdik shahadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.